Et le livre va être écrit dans la franchise des mots. Fait qu'automatiquement, ça va devenir un livre maudit. Automatique. Puis regardez dans les révélations, dans les prophéties, il en parle. Sans ça, là, je me ferais assassiner. Là, je me ferais descendre. J'ai pas les temps de me faire descendre, Charles. Laisse-moi te dire. T'es un petit peu plus centrique que ça. On peut plus vivre d'autorité. Oui, j'ai parlé. Comment ça s'appelle celui qui écrit dans les livres le lien universel? Octon, j'ai parlé à Octon un soir. Puis j'étais en maudit à bord. Parce que ces textes, la façon dont les textes ont été transmis, il y a tellement de spiritualité là-dedans que pour des raisons, je faisais partie de ma conversation, j'étais en maudit. Tu sais, qu'est-ce qu'il m'a répondu? Ils ont dit que ça va être ta job de refaire son affaire. Mais on est obligé de parler de même. La réponse me l'est. Mais Orton fait partie. Je te vous en parler plus tard. Bon, vous l'expliquez qu'est-ce que c'est Orton? Orton, c'est un concile. Tu fais partie du monde des esprits, mais qui est soumis aux lois de la programmation universelle de la planète Terre. Orton fait partie du conseil des juges des grandes religions universelles. Les choses d'Orton, les secrets d'Orton, les qualités d'Orton, les valeurs d'Orton, l'évolution d'Orton, c'est des valeurs qui sont totalement occultes. Dans ce sens, Orton représente sur les plans invisibles des conditions d'évolution, des conditions de mémoire, des facettes de la connaissance qui sont encore empiriquement responsables pour l'évolution de la planète Terre et la spiritualisation de l'ego de l'homme. Fait qu'en ce qui me concerne, tout ce que dit Orton, c'est valable dans le sens que ce qu'il dit représente des possibilités spirituelles pour l'homme de l'avenir, mais ce qui doit être dit dans le cadre de l'évolution cosmique, consciente, supramentale, lié au discernement, sans autorité de l'homme de l'avenir, c'est pas Orton qui me dit que c'est moi. Parce que moi, je ne fais pas partie du Concile des Éternels. Puis le Concile des Éternels, c'est un concile qui s'occupe constamment et simplement de prodiguer sur une planète quelconque des valeurs pour l'évolution des races. Moi, je ne fais pas partie de l'autre. Alors, chacun sa job. Mais là où une race doit débuter dans le temps, là où une race doit prendre racine sur une terre, là où une race doit renverser la polarité de l'information qui était donnée à l'humanité pour les races anciennes, à ce moment-là, on tombe dans un autre hausse de l'esprit. Puis je fais partie de cette hausse de l'esprit-là. C'est pour ça que tout ce qui va se faire, tout ce qui va être dit dans l'avenir, va renverser ce qui a été dit avant. Mais ce qui a été dit avant, ou dernièrement, qui doit servir à l'évolution des masses, ça fait partie de la spiritualisation des masses. Je suis pas intéressé à la spiritualisation des masses, moi. Je suis pas intéressé, aucunement. C'est tout le sens de vie intentionnelle, Bernard. Je l'ai déjà dit, c'est un beau livre. Oui. C'est certainement d'aller finir, je pense. Ben oui, même chose. J'ai remarqué qu'à chaque fois que vous nous dites jeune vérité, peut-être que l'idée de Benny, ça va passer. Vous allez dire Benny, l'idée à Benny. Bon, je vais vous expliquer quand j'ai ouvert ça. Un jour, vous allez comprendre qu'il y a une différence entre le monde des esprits et le monde de l'homme moronciel. Il y a une différence entre le monde des esprits, quel que soit le niveau de l'évolution, et le monde de l'homme moroncien. Et lorsqu'un homme est rendu à un stade de moroncialité, Lorsque l'homme est rendu à un stage de travailler avec l'énergie de l'âme, lorsque l'homme est rendu à un stage où il peut se servir de son âme pour interpréter parfaitement les dialogues qui évoluent entre les forces de lumière, à ce moment-là, l'homme n'a plus besoin de rien qui est dans le temps. Quand l'homme n'a plus besoin de rien de ce qui est dans le temps, il est totalement libre en esprit. De sorte que même les œuvres du Tibétain ne lui servent plus, parce que les œuvres du Tibétain sont en train du saut des élévateurs. Et les élévateurs sont des entités dans les cosmos avancés qui servent à donner des vibrations supérieures à l'humanité pour permettre aux hommes de substantialiser des anciennes pensées plus nouvelles. Alors, les élévateurs, les fonctions d'élévateurs dans les cosmos sont des fonctions importantes, mais sur le plan de l'homme individualisé, moroncialisé, les élévateurs n'ont plus d'effet parce que l'homme ne peut plus penser. C'est un temps que tu penses que tu as besoin des hommes puis tu as besoin des autres entités. Quand tu penses plus, tu n'as plus besoin de personne. Parce que quand tu penses plus, tu fais partie de l'universel. Parce que si tu fais partie de l'universel, tu n'as plus besoin de personne parce que l'universel est indivisible. Tu n'as plus besoin de personne. Mais tant que tu as besoin de quelqu'un, ça se passe. Il y a des gens, il y a des entités qui peuvent se servir. Je vous donne un autre exemple. On dit que l'homme, ça c'est les propos de Bailey. On parle du service, que l'homme est au service. L'homme doit être en service. C'est une illusion spirituelle de la confrontation de l'esprit positif contre l'esprit négatif, la part du service. Le service est une déduction. C'est une déduction des conditions énergétiques qui existent entre les mondes qui sont hautement spiritualisés et les mondes qui sont inférieurs. Puis c'est polarisé. C'est totalement polarisé. Moi, je ne suis dans le service de personne, je ne suis dans le service d'aucune humanité. Et ça, c'est difficile à comprendre. Ce que je fais, je le fais parce que ça fait partie de ma conscience. Ça fait partie de mon pouvoir créatif. Ça fait partie de mes affaires. Et mes affaires sont les affaires du département d'où je viens. Fait qu'à ce moment-là, t'es qu'au service de personne. Moi, je suis au service de personne. C'est pour ça que je dis souvent, je sympathise avec l'homme, mais j'ai aucune sympathie pour eux. Mais c'est difficile de comprendre ça quand on pense. Parce que tant qu'on pense, on se donne des raisons de vie. Et les raisons de vie, donc, qu'on se donne, font partie, justement, des raisons de vie qui nous sont démontrées par ces êtres-là qui sont sur d'autres plans. Ça, c'est le problème, pas le mien. C'est comme le Tibétain. Je le connais très bien, le Tibétain. Je pourrais vous en parler, le Tibétain. Je peux même vous dire ce qu'il fait, le Tibétain. Que le Tibétain, ça n'a aucunement à faire avec les choses moroncielles de l'humanité. Ça a à faire avec les choses spirituelles de l'humanité. Puis toute moroncialité est automatiquement à l'extérieur de toute spiritualité. Être moronciel, c'est être créateur. Puis être créateur, c'est être ingénieur. Puis être ingénieur, c'est être dans la science de la vie. Puis être dans la science de la vie, c'est comprendre toutes les forces de la vie. Puis comprendre toutes les forces de la vie, ça fait partie de l'évolution. Et lorsque les hommes seront dans la conscience de la vie et qu'ils comprendront les forces de l'évolution, ils seront dans la science de la vie. Quand les hommes sont dans la science de la vie, à ce moment-là, les hommes seront de plus en plus les aspects parfaits de ce que vous appelez vous autres dieux. Fait qu'en attendant, on a bien des choses à apprendre. Mais ce qu'on doit apprendre dans le temps où on est présentement, c'est que toute condition imposée à l'homme ou à l'humanité par des entités qui sont en évolution sur d'autres plans sont des conditions de soumission, sont des conditions de domination spirituelle, et une condition de domination spirituelle, c'est une condition de service. Alors, l'homme est dicté aujourd'hui qu'il doit servir pour élever ses vibrations spirituelles, mais dans un âge avancé, l'homme ne servira plus parce que l'homme n'a plus à servir. Tu sais tant que t'as à servir, mais quand tu n'as plus à servir, tu ne sais plus. Mais quand est-ce que tu ne sais plus? Tu ne sais plus quand tu es totalement en dehors de la forme. Parce que quand tu es en dehors de la forme, tu n'as plus rien à faire. En somme, on n'est pas chargé de la personne. Donc, moi, là, si je suis le prêtre actuellement, qui se passe au service de l'humanité pour le bien de l'humanité. Ça fait partie de son évolution. Ça fait partie de l'évolution de son ego. D'ailleurs, le service, ça fait partie de l'évolution de l'ego. Quand tu n'as rien à faire, tu sais plus personne, moi j'ai rien à faire. Moi, je suis satellite, j'ai rien à faire dans la terre. Ça veut pas dire que je fais rien. Ben, je vais en signer. Il y a une lance de butin. Moi, je trouve que t'es une grosse lance. En rendre service puis faire ta job. Ou faire la job. Être dans le service puis faire ta job. Être dans le service. Ça revient à la différence entre l'esprit puis l'ego. Quand t'es dans l'esprit, t'as rien à faire. Quand t'es dans l'ego, t'as quelque chose à faire. Tu penses que t'as quelque chose à faire. Tu penses que t'as quelque chose à faire, t'as quelque chose à faire. Tu sais que t'as rien à faire, mais t'as rien à faire. J'ai rien à faire. Si je veux quelque chose à faire, c'est une forme d'esclavage. Ça fait partie de l'évolution de l'ego, même si l'ego est très, très, très, très spirituel. Si tu veux quelque chose à faire, c'est son affaire à lui, pas rien. Rien. Quand t'as rien à faire, t'es bien, c'est pourquoi? Parce que quand t'as rien à faire, t'as seulement une chose à faire. Qu'est-ce que c'est? De rien. C'est d'être en harmonie parfaite avec le sujet de la pensée. Quand t'as plus rien à faire, t'es bien. Parce que t'as rien qu'une chose à faire, c'est être en harmonie vibratoire avec eux autres. Et quand t'es en harmonie vibratoire avec eux autres, ce qui est en haut et en bas, et tout se fait. Tout ça fait. Ce qui est en haut est en bas, puis ce qui est en bas est en haut, puis tu peux t'ajuster là aussi. T'es là juste quand tu causes les billes. C'est ça. Tout se fait, mais le point est dans le tout. Tout se fait. Tout se fait. Ça ne fait plus, ça doit être à ce moment. Tout se fait. En sens là, les louis fatigués. C'est terrible. C'est bien. Ben, c'est trop. Ouais, tout se fait. Ça, c'est celle-là. C'est pas une mot long, je sens. Ouais, ah, ouais. Là, il dit, c'est là. C'est là que tu es. Bon. Là, tu peux faire les. Là, tu peux faire les affaires. Là, dans la main, là. Fais-tu plus. Peut-être que l'homme n'est pas la température d'un typon. Ça veut dire que les corps inférieurs de l'homme ont été créés par ces corps supérieurs. C'est la même affaire. Je pourrais-tu considérer le résultat de penser comme moi-même? Il dit prenez ce que je vous dis, puis travaillez avec ça. Allez pas plus loin de ce qu'il nous donne. Habituez-vous à travailler avec ce qu'il nous donne. Sans ça, à ce moment-là, vous mettez ce qu'il nous donne au service de l'ego. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est l'ego, il te nourrit. Voilà. C'est style. Tu nourris l'esprit, tu nourris l'ego. Formation de travail. Ça, on l'a dit, par exemple. C'est un lien, Bernard. Ça quand vous tirez des conclusions de ce que je dis, c'est parce que votre ego essaye de se situer en relation avec ce que je dis. Ça fait partie du fait que vous pensez en gros à ce que je dis. Mais vous ne devriez pas penser à ce que je dis. Être absorbé. Celui qui est, parce que celui qui est dans un autre monde. Si vous êtes à New York, moi je suis à Montréal, pour se au téléphone, vous n'êtes pas à Montréal. Moi je suis pas à New York. Ce qui nous dit, c'est le courant qui passe. Vous êtes à Montréal, moi je suis à New York. On est branché sur le même courant que ce qui. Il suit pas ça un sauvage de téléphone, il va dire, il va penser que le gars est dans le white là. Comme il disait des enfants qui étaient dans le. Quand le téléphone un sauvage qui est dans le sol, il va penser que le gars est dans le white. Oui. Il va l'adorer le white. Il va l'adorer le white. Il va l'adorer le white. Réel pour lui. Très bien. Ça va. Une fois qu'elle s'explique à nous-mêmes, on n'a plus besoin d'elle, c'est parce qu'on est dedans. Aussitôt qu'on pense, on déforme la réalité, bon, on va voir quoi d'autre. 7. Vous en êtes bête. Vous savez, j'arrive, tu crois que c'est Elle n'est pas vu au début. J'aurais dû prendre mes pieds. Il arrivait du bureau, il montait en s'arrêtant me poser des questions, puis il avait ni dîner ni souper, qui était à 9h le soir. Il avait du monde toute la journée, puis il montait avec des questions, tout ça dans la femme. Ça a tout le temps passé à ça. OK. Ça montait avec lui. Oui. Over time, man. Non, ça vient d'aller rapidement. Tu sais, quand je parle, je dis, c'est subtil, ça, c'est subtil. Tu veux pas comprendre quand tu comprends pas. Quand tu comprends, là, c'est évident, ça te saute aux yeux. Mais quand tu comprends pas, tu peux pas comprendre. Les gens m'accusent d'être contradictoire quand je dis rien à comprendre. Il y a bien des choses à comprendre, mais pas comme on parle. Comme ouais. Ça dégage pas. Ah, on ne parle plus d'énergie à toujours discuter du point de vue de l'ego concernant ce qu'on dit. On le parle. Hey, t'as une petite quelque chose, mais c'est ça. L'autre, t'as une petite quelque chose, c'est ça. L'autre, t'as une petite chose, c'est ça. Là, on commence à se parler comme du monde. Et tant qu'on n'est pas arrivé à cette vibration-là, mais on ne se parle pas comme du monde. On se parle comme des égos qui veulent savoir. Qui veut avoir raison. Tu veux avoir de raison. Ça fait partie de l'existentiel. C'est une sorte d'énergie énorme. Moi, je l'ai déjà dit, tu peux être avec un homme sur une île, tu peux pas avoir de nourriture, rien que parler. Votre corps physique va se soutenir. Tant que c'est fort, cette affaire-là. T'as pas besoin de manger. Aime de parler avec l'homme dans cette vibration-là. L'énergie va tout être alimenter tes corps. Le dimanche, quand on mange le lien, c'est la même chose. Moi, je suis pas faim. Je viens à la maison, je suis pas. Faites un snack. Je vais manger des chips. Ouais, tu occultes. Ce qui est le plus dur à comprendre dans le supplémentaire, c'est que. Une fois que tu es dans le supplémentaire, tu peux parler d'énormément de choses. Mais tu peux pas parler d'énormément de choses. Tu peux pas avoir la liberté totale de parler tant que les gens sont pas sur cette longueur d'onde-là. Parce que si les gens sont sur la longueur d'onde de l'intellect, là, ils vont voir parler de ça. Ils vont voir parler du spirituel, ils vont voir parler de ça. Ils vont compartimentaliser ce qu'ils veulent parler. Parce que quand t'es dans le supramental, tu peux parler de n'importe quoi, puis comme l'ego est plus expliqué dans la valeur de la connaissance à ce moment-là, là, l'énergie à part. Puis là, tout le monde salue. Mais tant que les gens n'ont pas cette vibration-là, c'est fatigant de parler. Les deux personnes qui ont de la connexion avec le supramental, tu vois qu'ils se parlent, ils vont même se parler. Pourquoi qu'ils se parlent pas? Ils n'ont rien à dire. Ils se parlent tous. Bon, non, t'as tout. Si t'en rien les choses. Monsieur Barbec. Monsieur Barbec. Quand on est ensemble, quand deux hommes sont ensemble ou deux personnes sont ensemble, la fonction de l'esprit en eux est d'échanger vibratoirement. Parler avec un être, c'est échanger vibratoirement. Et d'autres, je sais. La même chose. Ça marche pas de même, le savoir. C'est dans l'échange vibratoire que le savoir se manifeste. Et que l'homme participe au savoir. L'énergie se transfère. C'est un animal. Je comprends pas pourquoi qu'ils ont besoin de se faire dire quelque chose. C'est justement là l'affaire, c'est qu'ils n'ont pas à se faire dire quelque chose par l'autre, c'est qu'ils parlent. Ça n'intéresse pas l'autre. C'est pas que... Non, le savoir devient vital quand il est conscientisé au niveau du mental de l'homme. Pour ça, il devrait traduire sa pensée en utilisant des mots. Si il est conscient, il devrait compter des chansons. Quand tu es conscient, tu te dis quoi mal ta pensée. Il devrait juste parler par vibration. Ah, te parler par vibration, c'est une autre étape de l'évolution du mental. Mais d'ici à ce temps-là, il doit se parler. Que tu parles avec des mots, si tu parles comme du monde, ça a la même valeur que si tu parles d'un titre. Ils regardent, tu as du fond. Il y a l'échange qui élève. Moi, je suis avec ma femme, je parle avec ma femme depuis 10 ans, on a du désir à se parler. On n'est pas pour se promener dans la maison pour commencer à se parler par télépathie. Voyons, on ne sera pas sur le plan matériel, disons, il faudrait qu'on se parle par télépathie. Ça ne sera pas des enfants. Ça serait des conditions un peu différentes. La petite, elle serait une vraie sans dessin. La paix, évidemment, il ne se parle pas des hommes capables d'une heure de parole. Voyons. OK? S'il n'y a pas de réponse, il faut que vous recommencez. Parce que si vous demandez quelque chose, il n'y a pas de réponse. Ça veut dire que votre mental est dans le vide. Votre mental ne peut jamais être complètement et totalement dans le vide, tout le temps dans le vide, avant un certain temps. Fait qu'il revient dans le plein. Aussitôt qu'il est dans le plein, là, vous pouvez demander la question. Viens me voir. Fait que si vous demandez quelque chose, il n'y a pas de réponse, redemandez-le encore. Ils vont être obligés de vous répondre. Ils sont tout obligés de vous répondre si vous demandez une question. Ils disent que les gens communiquent pas assez avec eux autres. Il faut que les gens apprennent à communiquer plus avec eux autres. Communiquer, puis communiquer, puis communiquer. Si les gens communiquent pas assez encore, ils ne sont pas assez encore habitués à communiquer. Quand ils changent d'idée, on va aller sur la descente. On a voulu demander, on n'a pas de réponse. Puis à un moment donné, ils enlèvent l'idée de poser la question de la tenacité. Ben, comme cela, moi, ça reste tout le temps une grosse arme pour dire, je sens qu'il y a un contact qui se fait et que j'agis un peu comme canal, mais pour ça. Et apparemment, c'est bien subtil cette affaire de le demander. Comme je me suis aperçu que quand les gens sont avec moi, là, ça s'ouvre. Quand les gens tournent seuls, là, ça se ferme. Pourquoi les gens ne l'ont pas? Fatiguant, ça. Ah, c'est une tête que reste ouvert. C'est dit que ça se passe avec bonne autre affaire. Parce qu'on se met pas dedans. Ouais. Parce qu'il y a trop de curiosité dans la question. Ça, c'est tellement subtil l'affaire de curiosité que si ça fait partie de votre expérience. Je sais qu'éventuellement, le canal va toujours être ouvert. C'est bien difficile pour moi de vous expliquer ça parce que c'est un état d'esprit. Bernard, peux-tu dire, moi je fais une nuance, là, je sais pas si c'est vrai, là. Tu peux te dire que notre curiosité qui peut venir de l'ego, tout ça, ouais. Que leur curiosité qu'eux autres, t'envoies, que tu l'aimes. Ouais. Ouais. Bon, mais c'est celle-là. Ouais. Pas la curiosité. C'est curieux quand eux autres le veulent bien. Bon, ça, c'est très intelligent. Ça. Il y a la curiosité de l'ego, là, ils ne veulent rien savoir. Là, ils peuvent vous couper. C'est ça. Puis il y a leur curiosité qu'eux autres vous envoient pour vous éclairer. Parce que t'es dû pour franchir une étape. C'est ça. C'est ça. Fait qu'il y a deux sortes de curiosité. Une qui vient de l'ego, puis une qui est créée par eux autres pour l'évolution de l'ego. Quand vous êtes avec moi, ce qui arrive, c'est que votre curiosité, en général, votre curiosité en général va vous servir, Paul. Elle va vous servir. Parce que si elle ne vous sert pas, moi, je voulais. Moi, je ne répondrai pas. Tu veux dire? Des fois, les gens me demandent des questions. Ouais. Des fois, les gens me demandent quelque chose, puis eux autres me coupent, là. Puis quand ils me coupent, c'est comme si je ne suis pas intéressé à répondre. Ça se manifeste comme ça dans mon esprit. Mais quand tu te coupes à ce moment-là, c'est que la personne n'a pas besoin de savoir. Oui, mais elle ne sait pas. Mais c'est pas grave. C'est ça. C'est comme si monsieur avec, souvent, il m'a demandé des questions. Des fois, j'aime ça y répondre. Des fois, je ne veux pas y répondre. Quand je ne veux pas y répondre, là, c'est le même phénomène. C'est de la curiosité qui vient de l'ego. Mais ils sont obligés de temps en temps y répondre pour l'amener encore à se sensibiliser à la vibration. Mais c'est aussi efficace qu'ils répondent ou qu'ils répondent. C'est aussi efficace qu'ils répondent qu'ils répondent. Maudit que t'es intelligent. C'est aussi efficace qu'ils répondent qu'ils répondent pas. Autant. Yeah. Parce que toi, en premier, tu vas au pire, tu sais. Puis c'est là que tu commences à discerner ta curiosité, ta petite curiosité. Ouais, ouais, ouais. Puis l'autre, la vraie. Ouais. Même tu peux poser des questions, puis il va te répondre deux jours après. Ouais. Tu ne peux pas te demander deux jours après. Hein? Tu as posé une question, tu ne réponds pas. Tu laisses tomber, tu ne repasses pas, whoop, il va te répondre. Ouais. C'est la question que tu as demandé il y a deux ou trois jours. Ouais. Mais il te répond deux jours après, c'est ton égo est pas un petit là. Ils sont anti-égo. Ils sont anti-égo. Il y avait des fois, j'ai. Ils vont faire passer. Je peux bien faire de la connaissance, mais au bout de. Tu sais, dis quelque chose, là, tu peux même pas me demander, puis je te dis au moment donné. Ouais. C'est ça. Tu peux même pas me demander. Ouais. Mm-hmm. Je me rends compte que je leur demande. Ah, je veux savoir, je veux ça. Ouais, mais si c'est pas parce que tu l'écoutes, tu réponds pas, par exemple. Ils t'amènent à. Ils vont. Tu sais, la curiosité des gars, ils ont du mal à savoir ça. Non, ils te répondent pas. Fait qu'ils te répondront pas, puis. Non. C'est au fur et à mesure qu'on avance ensemble là, que je développe des points. C'est bien subtil. Parce que des infiltrations, c'est ça qui pourrait pas. Des fois, moi, ils ne me permettront pas de dire quelque chose parce qu'ils disent si tu le dis, ça va être capté ces autres plans, puis ils veulent pas que ça soit capté ces autres plans. Ah. Fait que là, je peux pas le dire. Il y a une chose que tu dois parler tout à l'heure, ce qu'on appelle l'esprit du père. C'est quoi? L'esprit du père. Il dit que l'esprit du père, c'est une vibration qui vient de l'énergie de la lumière, mais qui forme dans l'esprit de l'homme une tension. Puis cette tension-là, ça devient une force. Puis cette force-là peut devenir un pouvoir, puis cette force-là vient de la volonté. L'esprit de paix, c'est la volonté. Puis il dit que plus qu'on se conscientise, plus on apprend à vivre de cette énergie-là, de cette vibration-là, de cette tension-là. Il dit que quand il faut qu'elle soit exécutée, cette tension-là, cette vibration-là, faut pas que l'ego ait peur de l'exécuter. OK. OK? Pour qu'on ait peur de l'exécuter. Parce que si on a peur de l'exécuter à ce moment-là, on se soustrait de la pénétration de cette énergie-là. Et en se soustrayant de la pénétration de cette énergie-là, on diminue notre pouvoir de volonté. Puis notre pouvoir de volonté, c'est la mesure de notre esprit à exécuter sur le plan matériel des activités ou des choses qui nous amènent à être de plus en plus indépendants de la matière. Mm-hmm. Puis il dit que c'est dans les petites choses de la vie qu'on apprend ça, à exécuter cette énergie-là. Exemple. Un père, une mère, un enfant, l'enfant est tannant, il est bien fatiguant, blablabla. Quand il vient de la vibration, il vient une vibration. Quand on la sent, cette vibration-là, c'est comme si on est ses nerfs, il y a quelque chose. Là. L'enfant il était un petit peu trop croche. Il était un petit peu trop talent. On sent en lui trop d'ego. On va avoir tendance souvent à diminuer la vibration pour diminuer le choc vibratoire entre nous autres et l'enfant. On empêche l'enfant de grandir en conscience parce qu'on permet à son ego de se développer, puis de se développer, puis de se développer. Il dit que l'éducation, c'est une forme mineure d'initiation. Puis il dit que plus on devient conscient, plus on doit initier un enfant à la vie. Si on l'initie à la vie à un certain moment dans son éducation, on est obligé d'appliquer, d'exercer cette vibration-là sur le plan matériel pour créer un choc vibratoire, pour changer la vibration de l'ego. Sans ça, l'enfant est grandi croche. Mais il faut faire quoi exactement? Moi, j'ai un petit peu de 2 ans, c'est pas bien talent. Je sais plus quoi faire avec. Bon, ben, j'ai perdu des choses, mais... Là, j'approche ce sujet-là de façon bien délicate parce que je veux pas que les gens comprennent mal ce que je dis. Des fois, on a des relations avec des êtres grands ou petits. Il y a un certain moment dans une relation, il y a trop d'ego. C'est plus là que l'enfant est fatigué ou... C'est plus ça, là. Là, c'est du mauvais caractère. C'est réellement croche. Là, la vibration, elle nous passe en dedans. Faut qu'on laisse passer. Faut pas qu'on intervienne avec nos sentiments là-dedans. Si on intervient avec nos sentiments, l'ego est construit. Quand tu prends 15-16 ans, là, c'est là. Faut qu'on soit assez conscient, assez centré pour la laisser passer cette vibration-là. Là. Après un choc, ça change la vibration de l'ego. Tu veux dire de pas le reprendre, quoi? D'enfant ou de... Non. Pour l'être? Il y a deux façons d'éduquer un enfant. Une façon, c'est de parler, de faire comprendre. Mm. La meilleure, qui est la plus facile, qui est la plus plaisante pour tous. Puis il y a une autre façon qui est exécutoire, qui est essentielle, celle-là. C'est le choc vibratoire. Puis le choc vibratoire, il vient d'eux autres, puis il passe par l'ego. Puis l'ego peut ou ne peut pas l'exécuter, suivant qu'il y a de l'émotion, du sentiment. La crainte. Et ça, quel que soit l'âge, oui. Quel que soit l'âge, que ce soit un homme de 80 ans ou un homme de 2 ans. Parce qu'il dit qu'un enfant, c'est un petit adulte. Mm-hmm. Yeah. Une capacité de comprendre, finalement. Il y a une capacité de saisir. Il comprendra plus tard. Il faut qu'il saisisse. Il saisit jamais. Il faut le saisir. Puis c'est nous autres qui le saisissent. Faut que notre esprit saisisse son esprit. Si notre esprit ne saisit pas son esprit, il grandira vraiment en esprit, il va tout être dans l'ego. C'est très difficile d'élever un enfant, puis c'est très facile. Ça dépend si tu as une vibration ou si tu ne l'as pas. Si tu as une vibration, c'est facile, ta base, paf. Elle va tout passer, tout. Là, il watch. C'est comme si eux autres watch toujours. Il watch toujours à travers tes yeux. Il watch. Puis t'as 100 vibrations dans tes corps. T'as 100. Des fois, vous autres, vous allez aller dans un restaurant, vous allez voir un enfant là, qui est réellement détestable. Vous avez l'entente détestable. Puis là, vous voyez, là, tu vois la main, là, t'as plus de pain, il reste assis, puis il dit pas un mot. Il y a rien, là. L'enfant, il crie, puis il fait le bordel. Puis ça continue, puis grand-mère est là, puis grand-père est là, puis l'enfant continue le bordel. La vibration passe, faut qu'elle passe. Mais, on peut pas le faire. Parce qu'on a des sentiments. Faut qu'elle passe. Puis ça, c'est bon pour nos enfants. Parce que ça les amène à se conscientiser au niveau de l'esprit. Puis il dit que c'est là que le problème de l'éducation va dessus. Puis c'est très dur aujourd'hui de, pour nous autres de la vivre, cette énergie-là, parce qu'elle est forte. Puis quand elle passe, faut que l'ego soit assez dans l'esprit, soit assez transmuté en esprit, que à base. Puis après ça, tu rebalances la vibration. Parce que t'es pas fâché contre l'enfant. Tu exécutes l'énergie. C'est pas pareil comme être fâché. Être fâché contre un enfant, c'est pas bon. Être fâché, ça, c'est l'ego. C'est de l'ego. Ça appelle ton ego. C'est ton ego quand t'es fâché. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais quand la personne ne fait pas au moment où ça passe, puis que par l'ego, dans les sentiments, tout ça, amorti le choc, à ce moment-là, ça crée comme une faille. Puis cette faille-là, en dedans, elle influencer l'ego. Du sens que l'enfant a toujours un dessus. Ouais, c'est ça qui arrive. Éventuellement, l'enfant prend le dessus, le dessus. L'enfant de chauri. Éventuellement, chauri. C'est ça. Si c'est moins vraiment fort, il chauri. Même ça. J'aurais jusqu'à dire que ça influence sur d'autres choses, sur les alentours. Même si c'est pas directement à la personne, ça s'adressait, que ce soit un enfant ou autre. Vis-à-vis des autres personnes où le choc n'avait pas à faire penser. Oui. Avec une grâce à deux choses. Il est très clair. Ouais. Pour les enfants, pour les adultes. D'abord, l'éducation, c'est une forme mineure d'initiation. Quand t'es conscientisé. Parce qu'il vient un point quand t'es conscientisé, la vibration passe, c'est assez la vibration. Puis il vient un point où ton ego n'est plus là pour la bloquer. Là, elle passe. Là, ton enfant reçoit le choc. Tu balances la vibration, puis grandit, puis grandit, puis grandit. T'arrives à un certain point, t'as plus besoin d'éduquer, la fin, c'est tout seul. Il est droit. Hein? T'as une quelque idée. Fonctionne tout seul. Mais si tu fais pas ça, ben là, tu vas être obligé de l'éduquer jusqu'à 20-21 ans. Ça va être plus. Mais le problème, c'est qu'avec un enfant, il y a le père et la mère, les deux ont pas nécessairement les mêmes vibrations. Il y en a un qui fait une volée, l'autre. D'accord. C'est un autre. Oui. C'est pour ça que je dis, là, vous expliquez un principe, la conscience, la vibration. Mais il faut que le père et la mère soient sur la même longueur d'onde. Si le père et la mère ne sont pas sur la même longueur d'onde, la mère est mieux d'agir toute seule. Ou s'arranger pour que ça crée trop de problèmes. Là, je vous explique comment ça fonctionne. On est vraiment content de ça. J'ai vécu une énergie comme ça, mais sans raison. Petit bonhomme était à côté de moi, pour jaser. Moi, je suis fait à moi, jaser, petit bonhomme. C'est venu tout seul. Lui, il est resté. Moi, je restais aussi belle que lui parce que c'est un coup qui est venu comme ça. Là, on s'est regardé tous les deux. Moi, je me suis mis à rire. Là, ben, lui, il n'avait pas le choix. Puis, ben, qu'est-ce qu'il prend? Ben, j'ai dit, c'est de l'énergie qui a passé dans ma main. Je n'ai pas frappé à tout de même. J'avais été choquée, mais j'ai trouvé ça bizarre par après. Ouais. Mais si tu avais eu la psychologie pour lui expliquer, tu aurais pu comprendre pourquoi est-ce que tu faisais le geste. Il n'y avait rien de répréhensible. Oh oui, oh. La seule chose que, ben, évidemment, ça s'est équilibré par après, parce qu'on a ri tous les deux. C'est pour lui apprendre à ne pas se prendre au sérieux. Parce que si... On ne sait pas comment, on ne sait pas qu'est-ce que c'est éduquer un enfant. Éduquer un enfant pour nous autres, c'est ce qu'on pense. C'est pas de l'éducation. Ce qu'on fait avec nos enfants, c'est pas de l'éducation. La preuve, c'est que nos enfants arrivent à 20 ans, ils sont pas conscients. Ils doivent pas l'éduquer. Quand tu éduques un enfant, tu élèves la vibration de ton esprit pour qu'il arrive à un certain âge, qu'il comprenne comme toi. C'est ça, éduquer un enfant. L'amener dans la vibration de l'esprit. Ça, c'est l'éduquer l'enfant. Puis on dit qu'on ne sait pas éduquer un enfant parce que toute notre éducation qu'on fait avec les enfants est en relation avec nos sentiments qu'on a. Puis on n'est pas conscient de la vibration de la volonté en nous autres. Parce que nos corps sont pas assez développés. Et quand nos corps sont développés à ce moment-là, il faut qu'on sache qu'est-ce que ça fait cette vibration-là, pourquoi ça sert cette vibration-là. Oh, puis notre ego est tellement fragile que quand on a fait passer cette vibration-là, notre ego, il y a une petite réflexion dans notre ego, puis on se demande si ça n'est pas allé trop loin. Ça n'aurait pas pu être un petit peu plus raisonnable. Ça demande toutes des questions. Peux-tu faire un parallèle entre eux autres, point que nous autres, et nous autres, ce qu'on fait pour vous? Exactement. Fait que ça. Ce qu'ils font avec nous autres on va faire avec nos enfants. L'énergie continue. Ils veulent pas le faire avec nos enfants. Avec Non, parce que éventuellement, quand l'enfant va en avoir trop, il va en avoir plein son casque, il va arrêter d'humain. Il va dire, ah, laisse-moi dans la paix, fais-moi en paix. C'est un grand avantage d'être un jeu pour nous autres. Il dit que tu peux pas, quand tu es conscient, tu peux pas détruire. C'est quand tu es inconscient, tu travailles ces affaires-là que tu peux détruire. Il n'y a pas de problème de travailler avec les forces. Vous pouvez travailler avec les forces tant que vous voulez, mais soyez conscient. Hein. Si vous travaillez avec les forces, vous n'êtes pas conscient, c'est là que vous pouvez détruire, parce que votre ego va se mettre dans le jeu, puis votre ego va toujours vouloir soutirer quelque chose de ça. Il dit, aussitôt qu'il y a de l'ego, il y a du danger. S'il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de danger. Ça permet de garder le canal ouvert. Les enfants, ils n'ont cette affaire-là. Mais le principe de la volonté, c'est un principe extrêmement puissant. Puis, plus on vit ce principe-là, plus on devient conscient. Parce que ce qui arrive, c'est que le principe grandit avec notre sensibilité. Plus on devient sensible, plus on sent. Plus on sent, plus on sent. Puis il y a un point, tu dis, tu sens. Fait que là, l'énergie, elle descend. Moi, quand ils me disent, ta petite, elle va en avoir une dans deux semaines, là. Garantie, dans deux semaines, elle en a une. Il y a une situation qui se produit, paf. Il faut toujours balancer avec nos enfants. Puis les enfants sachent toujours qu'on n'est pas fâchés. Ouais. Faut qu'ils sachent qu'on n'est pas fâchés, qu'on leur explique quelque chose. Simplement. Parce que l'énergie. Les enfants sont en train de jouer avec l'intuition, qu'ils deviennent. Il devine en fin de compte, il est égo. Il devine, moi, je me réveille. Okay. Les enfants qui sont bien sensibles, ils vont faire des choses, puis ils vont essayer continuellement de les jouer sur l'ego, puis ils essaient de les jouer à ce moment-là. C'est ça qu'il faut être averti, alerte. Alerte. Parce que l'ego, ça s'essaye toujours. Puis on se met. C'est bien cela, un enfant. C'est pas fou, hein? Ben, je comprends donc. C'est pas fou, là. Il y a beaucoup d'intelligence, un enfant. Elle n'est pas expressive avec des mots, mais elle est en action. Ce qu'il faut vérifier, c'est chez un enfant, c'est toujours le côté négatif de son ego. Le côté positif de son ego, mais là, c'est le fun. Mais le côté négatif de son ego. Puis c'est ça qu'il faut checker. Puis un côté négatif de l'ego, ça se corrige par un champ vibratoire. Peux-tu me donner des exemples pour les négatifs, les gros? Ouais. Ma petite fille, après-midi, est arrivée dans la maison, là. Puis là, elle aime ça colporter. Colporter? Oui. Oui, pas de mieux. Ah, mais il s'est passé ça, la mère. Elle colporte. Ça fait longtemps qu'elle colporte, puis elle colporte. Puis on lui dit qu'elle ne porte pas. C'est pas gentil qu'elle porte. Mais c'est pas assez, ça. Elle ne porte pareil. Elle a fait elle a eu un choc. Elle ne porte plus. Elle l'a compris, puis elle a dit, tu fais le top, tu es intervenancé, tu es contente. quand je suis parti à soir, elle dit, papa, arrange-toi pour une belle conférence. Tu changes ses vibrations. Elle devient, on dirait qu'elle pose de quatre pieds d'un coup. Parce que un enfant qui colle porte, puis un enfant qui est tout vous dans son enfantillard. Une niaiserie de bébé. Bon, une niaiserie de bébé. OK, ce que t'appelles une niaiserie de bébé. Ça y empêche de rentrer dans son esprit. Puis un enfant de 7 ans peut avoir une maturité d'un enfant de 12 ans, s'il est dans son esprit. Puis un enfant de 12 ans peut avoir une maturité d'un enfant de 18 ans, s'il est dans son esprit. Mais ils ne sont pas dans, son, dans leur esprit, ils sont toujours dans l'ego. Des fois, ils vont me dire, par exemple, laisse-le vivre son enfance. Puis moi, des fois, je comprends pas ce qu'ils veulent dire parce qu'il y a des niaiseries, là, que j'appelle des niaiseries de bébé, là, que je vais essayer de couper, mais par contre, ils vont me ramener avec des situations comme ça. Laisse-le vivre son enfance. Ils peuvent pas t'instruire directement. Ils sont obligés de passer par moi pour t'instruire. Laisse-moi expliquer ce que je veux dire. Je veux pas dire que vous pouvez pas avoir accès à de l'information. Mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez pas avoir accès à de l'instruction. Parce que pour avoir accès à de l'instruction, il faut ne pas avoir d'ego. Si ça passe par moi, à ce moment-là,